Je ne te raconterai pas, oh non, je ne te dirai pas tout. Je te dirai que je l'aime, ça, ça va aussi pour lui, c'est la même. Je ne te raconterai pas ce qu'on a vécu, pour la simple raison que je m'en...